Et vous voilà maintenant devant la plus grande église de Mel, l'église Saint-Hilaire. Elle est considérée comme l'un des joyaux de l'art roman en Poitou. Construite au XIe siècle, elle se distingue par l'harmonie de son architecture et la richesse de ses sculptures. Les chapiteaux que vous pouvez observer représentent parfois des motifs végétaux, des animaux ou des scènes symboliques. Cette église témoigne du savoir-faire des bâtisseurs médiévaux et de l'importance spirituelle de Mel à cette époque. Elle était aussi un lieu de passage pour les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Prenez un moment pour observer les détails et ressentir le calme du lieu. Et ensuite, vous vous dirigerez vers le chemin de la découverte.